Bien heureux d'être avec vous. Et votre opinion, et je la partage. Est-ce que je pourrais avoir plus de son? Ok, là, ça va, merci. Alors, juste avant de commencer, en compagnie d'Alexandre, je vais vous annoncer que le 16 et le 17 novembre, je donnerai donc ici le séminaire de Gematria, où je forme des consultants. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas c'est quoi ce travail qui est fait ici. C'est la formation de consultants. Autrement dit, à travers le séminaire intensif de Gematria, je livre 20 ans de recherche et de réflexion au niveau kabbalistique. Et je souhaite, en tout cas c'est la seule place aujourd'hui où ça se fait dans le monde, qu'il y ait un maximum de personnes qui assistent aux conférences, que ce soit d'Alex ou de Raphaël ou de Daniel, qui prennent ce séminaire en route là. Ça leur permettra en tout cas de bien s'adapter et de bien se situer aussi par rapport à la démarche de chacun des conférenciers, parce qu'il y a d'abord un cours de base ésotérique mais très poussé, et ensuite on entre dans la vibration des noms. Vous savez que tout est vibratoire dans l'univers, tout, sans exception, et le nom individuellement de chaque personne, c'est sa longueur d'onde. Autrement dit, quelque part dans un grand ordinateur central, vous avez un nom, un numéro de code qui correspond à votre nom. Dans votre nom est codée votre vibration. Autrement dit, votre programme est déjà inscrit, ce qu'on appelle cet ordinateur cosmique là, votre plan de vie y est inscrit. Maintenant, aujourd'hui, comme on passe dans une phase de transition très importante entre deux grandes ères, deux grandes époques, il est important pour nous de découvrir quel est le plan de vie qui a été programmé, parce que notre niveau de conscience est en train de changer. Ça, c'est un événement unique qui se passe à tous les 64 800 ans. C'est pour ça que je dis que c'est unique. Et dans un grand cycle, à tous les 64 800 ans, il y a un réajustement au niveau de la conscience. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qui se fait dans le monde. Donc, on change graduellement de palier en compagnie d'Alexandre Lachance, de Raphaël, de Daniel et de tous ces conférenciers qui font cette démarche de conscientisation. Donc on prend conscience à nouveau, et lorsqu'on change de plan de conscience, on change également ses objectifs de vie. Maintenant, il nous faut défaire à ce moment-là la programmation qui existe à notre naissance pour pouvoir nous programmer nous-mêmes, programmer un plan de vie en fonction de nos objectifs qui correspondent à notre nouvelle conscience. C'est un peu ça, si vous voulez, la démarche de la Gematria, cette prise de conscience-là. Alors, je forme des consultants là-dedans. Ça n'a jamais été fait. C'est une science qui est millénaire, qui date depuis Moïse, qui s'est transmise d'initié à initié, une chaîne ininterrompue à travers les âges, qui a été occultée par moment et qui est aujourd'hui révélée à nouveau. Donc, il y a prise de connaissance de ce matériel-là initiatique au niveau kabbalistique. Il y a cet ajustement au niveau de la conscience, il y a cette reprogrammation faite individuellement par la personne, et le tout, parce que la Gematria en elle-même, ce n'est qu'une forme, et qui contient une énergie. Et c'est cette énergie qu'on va récupérer à travers de la forme lorsqu'on la fait éclater, au bénéfice de la conscience et d'une nouvelle programmation. Et le tout débouche finalement sur la possibilité pour l'ego de contacter son propre esprit. Autrement dit, débouche sur la parole créative. Et l'outil de demain, l'outil de l'ère du Verseau, l'outil de l'âge nouveau ou du surhomme, va être sa parole. Parole créative, c'est-à-dire instantanée, donc une communication instantanée entre l'esprit et l'ego. C'est ce à quoi vise justement ce séminaire intensif. Alors, on va en avoir un dans le 16 et le 17. Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander des explications à Mario Gosselin, le relationniste. Voilà, excuse-moi mon... Ça va, c'est très cher, bien, ça, c'est précis, je souhaitais que les gens soient bien au courant. Vous voulez... J'ai beaucoup appréhendé ce que c'est, qui n'est pas de... Oui, c'est ça, je voulais corriger un peu quelques lacunes au niveau de l'information. C'est vrai que c'est assez mystérieux sur la feuille, ça n'en dit pas grand-chose, je pense que c'est mieux compris comme ça. Alors, on entre maintenant dans cette deuxième initiation. On va procéder comme à l'habitude, alors je lis un chapitre et puis vous allez vous commenter. Alors donc, suite de la deuxième initiation théochristique. Alors il est dit ici, Les cinq écoles sacrées ou écoles des mystères majeurs ne seront pas mentionnées à ce stade-ci. Elles constituent ce que l'on peut appeler des institutions post-universitaires, initiant exclusivement ce segment de l'humanité qui a atteint le niveau de l'adepte. En d'autres termes, ces écoles sont responsables de l'initiation des étudiants les plus avancés des écoles des mystères mineurs du 8e au 12e degré. Exactement, ça c'est de ça ma main. Les grandes fraternités affiliées aux 12 écoles sacrées ne sont pas visibles à l'humanité ordinaire. Ceci ne signifie pas qu'elles ne possèdent pas de corps physique. Cela veut dire qu'elles ne divulguent jamais leur identité au cours de leurs opérations quotidiennes. Un initié véritable ne publie jamais ses réalisations spirituelles, ni ne souligne ni n'attire l'attention sur le prestige de l'école qu'il représente en assumant un titre dans l'intention d'impressionner la galerie, le public. Un authentique initié, alors, est reconnu seulement par le calibre et l'autorité, la direction de son enseignement. Et si cet enseignement repose sur la vérité et les principes moraux, ceci constitue la preuve et l'unique preuve substantielle que cet adhérent prolonge, continue le grand œuvre des frères aînés. Ça se vise en définitive à l'ennoblissement de l'homme, surtout les paliers, dans le domaine social, dans le domaine intime, ou sur une ancienne relation avec l'hyper-ego. Alors c'est l'élevé de niveau de conscience, même à son insu, parce qu'il est poussé vers les sommets de son être. Il est également avisé et sage de retenir ce point vital, saillant, dans toute étude ésotérique. Toute personne qui vous transmet un message écrit, ayant la prétention de provenir d'un frère aîné, dans l'intention d'influencer votre décision sur un sujet quelconque, est faux. Aucun frère aîné ne vous refusera le droit de décider de votre destinée pour et par vous-même. Aucun frère aîné ne menacera de représailles dans l'éventualité que vous négligiez de tenir compte d'un avertissement. Aucun frère aîné n'opposera, ne fera contraster deux personnalités dans le dessein d'en favoriser une par rapport à l'autre. Aucun frère aîné ne s'interposera face à votre droit de conscience, à votre droit de libre arbitre ou votre droit de vous autodéterminer. Alors, ce libre arbitre se manifeste depuis le début de l'occupation de la Terre par l'homme. Alors, l'homme est son propre rédempteur. Il peut recevoir des conseils, mais il n'y a jamais de coercion. C'est ça qui fait sa valeur morale. Alors, il est son propre rédempteur, véritablement. Le terme est assez précis. L'expérience a démontré que la transmission d'un message astral par le biais d'une tierce personne s'avère douteuse, incertaine. Tandis qu'un tel message puisse provenir d'une source véritable et refléter une intégrité à toute épreuve, il ne peut être accepté textuellement, mais doit être vérifié seulement par le Christ intérieur. Bon, ça c'est le moniteur, ça. Ce avertissement est donné parce que dès qu'une personne commence à recevoir un peu l'influx supérieur, il y a bien des envahissements qui se font dans sa psyché. Et il faut que ce soit très judicieux. Bon, c'est tout pour le crible du jugement. Autrement, ben, il peut tomber dans une erreur assez néfaste parfois. Ça a été bien expliqué, ça, dans l'exercice de concentration. Exactement. On a vu tout ça en détail, je me souviens de ça. Et quand une voix intérieure vous parle, il y a ce phénomène que vous trouvez étrange d'abord. Vous avez l'impression que c'est votre propre voix qui vous parle, comme si vous aviez enregistré votre propre voix, qui vous donne une réponse. Vous dites, mais c'est ma voix qui me parle. Alors, c'est donc votre hyper-ego, c'est le maître intérieur. Le maître étant dedans de nous, de vous, de nous tous, hein. Alors, c'est ça qui fait l'étrangeté. On a bien souvent l'impression que c'est une autre entité, alors que ce n'est qu'un phénomène de résonance. Exactement, en fait. Résonance, oui. C'est l'hyper-ego, on peut l'appeler comme ça. C'est le moi véritable, au lieu de, c'est l'essence, quoi, au lieu de la personnalité. Si vous êtes en mesure de prendre la bonne décision sans avis extérieur, la vie est alors superflue. Et si la vie apparaît superflue, la vie AVIS, le message l'est également. D'autre part, si vous êtes incapable de prendre la bonne décision, la vie contraire au choix que vous désirez effectuer constitue une interférence de la part du conseiller, et aucun frère aîné n'assumera le karma cumulatif de cette interférence. Assurez-vous d'être dans la bonne voie, et puis passez à l'acte. Il n'existe point de plus haute autorité que ce principe. Alors, comme vous voyez, dès que le diaphragme, j'emploie le terme qui correspond un peu au phénomène de photographie, est ouvert, la lumière jaillit, quelque chose devant ou non. Alors, la lumière jaillit. Mais on sait que ça vient d'une source supérieure. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est un phénomène lumineux, il n'y a pas d'erreur. Et il y a tellement d'ardeur dans ce message-là qu'on ne peut pas en douter. C'est une conviction totale, hein? Toutes les 12 fraternités s'organisent selon le modèle cosmique d'un ensemble de 13. Chacune des écoles des mystères mineurs se compose de 12 officiers, frères aînés, et d'un 13e officier qui fait office de président et de coordonnateur. Sur ces 12, 7 travaillent dans le monde extérieur comme des gens ordinaires dans une profession de leur choix, et 5 demeurent à l'école d'où ils servent sur les plans supérieurs de l'activité humaine. La 13e personne est cachée du reste du monde par les autres 12 officiers, tout comme Dieu est caché dans l'univers par la création à 12 dimensions. C'est encore la loi du duo des nerfs, de 12, que vous l'ayez dans les 12 chevaliers de Sabéron, les 12 disciples de Jésus, 12 signes zodiacaux, avec ce qu'ils représentent, pas graphiquement, mais symboliquement, ainsi que ça, toutes les 12 lois de notre être. Alors, ces 12 lois sont omnilatantes, existent toujours en permanence, quelle que soit la rubrique sur laquelle on les dénomine. Et le 13e, ben, pour nous qui sommes dans la lignée judéo-chrétienne, c'est définitivement l'influence christique. Les 12 disciples qui se sont rassemblés autour du Christ constituent le meilleur symbole à notre disposition du type d'organisation auquel nous référons. Ce regroupement de 7, 5 et de 1 est fondamental à toutes les religions du monde et l'étudiant sincère apprendra beaucoup de cet arrangement, de cette disposition, en méditant sur la croix ornée des bijoux. Bon, c'est justement ceci qui a intrigué plusieurs, mais avec l'aide de 2 ou 3 personnes bienveillantes, je pense qu'on va pouvoir la mettre à la disposition de tout le monde sous peu, hein. Alors, il serait temps de la faire voir, hein. Voilà. Bah, je pense qu'on l'a suffisamment vue. Les personnes. Oui, mais on voudrait en avoir une copie, hein. Oui. Oui. Bien, elle avait été laissée là pendant une semaine. Je pense que Mario est en sa possession, je crois. Okay. Le 13e membre de chacune des 12 écoles sacrées est un membre du Conseil mondial. Ce dernier étant connu comme la Grande Fraternité Blanche ou la Grande Loge Blanche. Il ne faut pas confondre avec celles qui ont usurpé ce terme dernièrement. La Fraternité Blanche, la Grande Loge, est invisible sur le plan. Mais elle est très sensible. Ouais. Le 13e membre de ce 13e groupe est le régent planétaire de la Terre et le plus grand initié de la vague de vie des archanges, à savoir le Christ. On a souvent confondu le Nazaréen, Jésus avec le Christ. On m'a parlé du nom de Jésus-Christ. Lequel des deux vous voulez qu'on parle? On va parler de l'entité universelle, le régent planétaire, ou bien du personnage qui a été son ambassadeur en Mésopotamie, en Judée. Alors, faut pas prendre l'ambassadeur pour le régent planétaire. Alors, le Christ, c'est l'entité spirituelle qui englobe toute la Terre. Hein? C'est représenté par ses émissaires. On pourrait dire que c'est une conscience absolue. C'est une conscience totale, oui. Totale, oui. Alors, on entre dans l'exercice en question. Ah ben oui. Dans la description de cet exercice. Chaque soir, avant de vous coucher, ou à tout autre moment qui vous soit favorable, fermez la porte de la pièce où vous étudiez, choisissez un siège confortable, tamisez les lumières et fermez les yeux. Projetez, construisez sur l'écran akashique la croix ornée de bijoux telle qu'enseignée dans l'exercice de la 2e leçon. Alors, sur l'écran akashique, ça veut dire l'écran mental? Mental, justement, la projection de votre énergie. Ça fait une petite nébulosité qui est pratiquement visible. Si on photographie ce vide qui semble être du vide, on s'aperçoit qu'il y a une nébulosité. Alors, c'est la projection de votre propre énergie psychique. Alors, c'est ça, c'est l'écran akashique. Il existe. Lorsque vous avez matérialisé cette forme pensée et placé les bijoux, les joyaux, pierres précieuses dans leurs positions respectives, méditez sur la signification de la croix à la lumière de ce qui a été ici révélé. Si vous deviez éprouver de la difficulté à maintenir la forme pensée sur l'écran pendant que vous méditez, retournez à l'image de la croix ornée de joyaux accompagnant la 2e leçon. Ceci aidera à focaliser votre attention, à vous concentrer. Il y en a qui ont commencé à visualiser des images de leur propre création en se servant d'un papier glacé qui réfléchit la lumière et des symboles écrits en encre opaque, en encre noire, pour s'habituer à projeter véritablement quelque chose de visuel, tellement visuel que parfois on peut photographier ce que l'on a projeté ainsi sur le papier. Alors quand on a réussi ce premier exercice, qui est assez simple en réalité, là on peut pousser plus loin, et projeter dans l'espace ambiant, projeter sur un mur, pas comme un artiste par exemple avant de dessiner, il projette sa conception du dessin sur sa toile. Là, il n'a qu'à la suivre, si il travaille assez vite. Alors ce phénomène-là de projection, il se fait automatiquement. On dit c'est merveilleux, parce que l'homme est véritablement un projecteur. Alors c'est la loi de précipitation, projection, jeter hors de soi ce que l'on a conçu à l'intérieur. Premièrement, étudiez les sept rubis qui représentent les sept écoles des mystères mineurs. Associez-les à leur nom. Rubis de base, rosicrucien. Deuxième rubis, luciférien. Troisième rubis, hermétique. Quatrième rubis, théochristique. Cinquième rubis, esénéen. Sixième rubis, coptique. Et rubis d'en haut, brahmique. Alors, ce sont toutes les écoles qui existent sur la planète maintenant. Nous nous concentrons sur le quatrième plan, après avoir passé par l'école rosicrucienne. Alors, c'est l'école théochristique, puisqu'on a adopté le Christ, le Nazaréen, comme l'avatar de notre ère. Alors, on concentre ça sur le plan quadridimensionnel, ce qui est bien important. Il nous convient qu'on nous sommes en Occident, c'est ce qui nous convient mieux. Et notre lignée judéo-chrétienne se prête à l'adaptation de ce système de pensée-là. Méditez dessus. Voyez ce que vous pouvez découvrir en les imaginant, en les plaçant dans un certain contexte historique. Retracez leurs activités dans la mesure de vos possibilités. Deuxièmement, passez à l'étude des cinq saphirs qui symbolisent les cinq écoles des mystères majeurs. Puisqu'il n'est pas autorisé, permis de libérer de l'information à leur sujet par le biais de la page écrite, imprimée, toute connaissance que vous pourriez acquérir par votre méditation doit provenir de la source de votre intuition ou de l'un des hauts pouvoirs invisibles. C'est là, voyez-vous, que on peut dire actuellement, ce n'est plus moi qui pense, ça pense en moi. Et ce qui pense en moi, ben, je l'écris avec une majuscule. Alors, c'est vraiment la voix intérieure qui s'impose à votre attention. Dès que vous avez passé à travers ce préambule, alors là, comme dira Samuel, parlez Seigneur, vos serviteurs vous écoutent. Et vous êtes ému et reconnaissant. Alors, ce qui parle là, c'est le moi suprême. Quand il commence à parler, il revient plus souvent. C'est une habitude. Il donne un exemple ici. Oui. Par exemple, vous pouvez vous demander ce que véhicule le mot Niagara, ou bien si le mot Jérusalem possède quelque signification, ou encore si le nom Shambhala recèle quelque contenu caché. Ben voici, on attribue le mot Shambhala à la capitale de l'Agartha, n'est-ce pas, la ville de la paix, de l'harmonie. Alors, en méditant sur un sujet comme ça, apparemment abstrait, mais qui contient de l'énergie, alors il se fait une association d'idées par le subconscient qui projette ces données à la raison discursive. C'est ce qu'on peut méditer avec racine, méditation avec racine. Un mot en engendre d'autres. Alors, les images mentales qui viennent s'imposer. Alors ça, c'est de l'intuition graphique, véritablement. L'association d'idées, là, ça se développe bien avec le phosphénisme. Absolument, mais oui. D'abord, le phosphénisme, c'est uniquement de la lumière, n'est-ce pas? Alors, la lumière a beaucoup, puis la lumière est intelligente, Elle n'est pas lucidique, ni... les phosphènes... Elle est informative. Informative, oui. Puis la lumière est vivante, n'est-ce pas? Elle est vivante, ardente. Alors, ces phosphènes sont précieux. L'exercice que l'on donne de revisser vos lobes oculaires pour regarder entre les deux yeux produit immédiatement des phosphènes. Et continuez cet exercice-là jusqu'à ce que vous ayez le rayon violet qui surgit de votre pinéale ici. Au point où vous pouvez même le projeter sur le mur. Dire, je projette du violet sur mon mur. Alors, les phosphènes mènent à ce geste-là. Ça, c'est véritablement l'ouverture du troisième œil, comme dirait l'absent grand-père. Alors, ce troisième œil, il est dynamique, aussi bien que magnétique. Troisièmement, étudiez le diamant de la croix ornée de joyaux qui représente la grande fraternité blanche, l'université de Dieu. Reconnaissez l'importance suprême du travail divin qu'ils doivent accomplir, c'est-à-dire l'unification des gens de la terre, des gens du monde. Considérez les efforts à fournir avant que l'harmonie soit en mesure de prévaloir dans les esprits et les cœurs d'une population en expansion rapide et dont la plus grande proportion est spirituellement illettrée. Pensez à l'ampleur du problème comme vous le voyez maintenant et songez ensuite à toute l'aide que vous pourriez apporter de concert avec les initiés de la fraternité avec lesquels vous espériez travailler. Bon, voici, à mesure que vous cheminez à travers cet enseignement, l'horizon se recule. Et à mesure que l'horizon se recule, c'est parce que vous avancez, mais il y a toujours le soleil devant vous. Alors, ce qui est en arrière disparaît comme étant un peu désuet. Vous n'avez aucun trait, n'aurez aucun trait avec l'enseignement qui précédera. Alors, à mesure que j'ai procédé, je veux dire, l'horizon devient de plus en plus lumineux. Dans votre méditation, vous pouvez varier votre visualisation des écoles sacrées et de leur divine mission dans le monde en visualisant les frères eux-mêmes et en imaginant le travail qu'ils accomplissent à l'école ainsi que dans le monde en général. Lorsque vous faites cela, comprenez que les rubis symbolisent les travailleurs dans les champs et que les saphirs représentent les êtres invisibles qui aident et apportent assistance des plans intérieurs. Méditez sur le diamant comme symbolisme du maître dont le désintéressement et l'altruisme sont infinis et la noblesse si profonde qu'il est à jamais caché des yeux de ceux qui l'adoreraient ou de ceux qui le souilleraient ou le profaneraient. Chaque soir et matin, en même temps que vous effectuez la visualisation décrite ci-haut, répétez l'affirmation suivante en donnant à chaque pensée l'importance qu'elle mérite. Ô toi en qui nous vivons, bougeons, et avant notre existence, le Christ en qui est représenté la création idéale de l'ordre mondial universel, fasse que l'argent dans le monde serve à des fins spirituelles. Sensibilisez les cœurs des hommes partout afin qu'ils puissent donner au travail divin du gouvernement intérieur ce qui a jusqu'ici contribué à la satisfaction matérielle. Le nouveau groupe d'initiés théochristiques affecté au service mondial, doit disposer de beaucoup d'argent. Je demande que ces vastes sommes d'argent requises soient disponibles et à la disposition de l'université mondiale, ainsi que pour tous les autres projets qui entrent sous leur juridiction, que le potentiel de ce service concentré soit entre les mains des forces de la lumière. Il s'agit tout bonnement de convertir le pécule, le médium d'échange que l'on a imaginer pour le convertir en valeur spirituelle. On a eu quelques notions sur la valeur spirituelle de l'argent, n'est-ce pas? Quelques-unes, oui. On a eu plusieurs chapitres là-dessus. Justement, alors ça c'est précieux, parce que l'argent en soi-même n'a aucune valeur, mais ce qu'il représente de bienfaisance et d'amélioration de la race, c'est quand l'argent sera devenu des bénédictions en circulation incessante, là, on dira, ben, l'argent n'est plus du papier ni du métal. C'est en fait une énergie qui est bloquée. Exactement. Il faut la faire circuler abondamment. C'est ça qu'on reconnaît comme un médium de circulation, un canal de circulation. Comme vous élevez vos pensées au niveau spirituel de la prière continuelle, exhalez pain et amour de votre cœur dans le cœur de tous les gens partout sur la terre. À ce moment seulement, laissez la croix ornée de joyaux finalement se dissiper dans l'arrière-plan violet de votre écran akashique, mettez de côté votre travail de la soirée et allez dormir. Suite à la méditation matinale, si possible, continuez de vous concentrer et de déchiffrer la signification de l'affirmation durant toute la journée. Pour vivre en conscience permanente avec cet état d'esprit-là, et quand là, c'est inévitable que inconsciemment ou non, vous agissez toujours à la bienfaisance. Et, vous semez la bienfaisance tout autour de vous, par tous les moyens, sur les trois plans. Personne ne peut vous dire jusqu'où vous pouvez aller avec cette étude, ou jusqu'à quel niveau, quel degré vous pouvez accéder dans le processus de votre initiation. Vous-même déterminez vos propres qualifications, vous établissez votre propre rythme de progrès, vous concevez votre propre but dans la vie, vous établissez vos propres engagements, vous ne disposez pas de temps à perdre. Acheminez-vous maintenant avec confiance vers votre maîtrise. Il y a un groupe toujours grandissant qui ont réalisé ça, qui, selon leurs moyens, les moyens à leur disposition et leur compréhension du sujet, se vouent à ça, à être de plus en plus bienfaisants pour un nombre toujours grandissant de gens dans leur environnement. Mais c'est précieux, ça. Il y en a un très grand nombre. On est étonnant, même. Alors, voilà ce qui clôt donc cet exercice-là sur la méditation, sur la croix. Et on entre maintenant dans la leçon 4, qui a pour titre général la loi de transmutation. Alors, ce que l'on fait, c'est transmuer toutes les valeurs. Là, on est dans le domaine des valeurs sociales, aussi bien que des valeurs morales et personnelles. Alors, c'est la loi de transmutation, telle qu'elle est décrite, hein, terme dans ça. Elle est précieuse. Alors, il va y avoir 7 leçons ici dans ce cahier-là également. La première, c'est un préambule. On va commencer par cela ce soir. Et ensuite, on verra la section corps, âme, esprit. Oui, nous sommes trinitaires. Alors, en réalisant que nous sommes à l'image de notre Créateur, là, on se prend en main totalement, puis on réalise à faire l'identification des 3 aspects de notre nature. Et là, on est vraiment complet, des êtres complets. Autrement, on est en anarchie contre nous-mêmes. Il y a toujours un élément qui est en souffrance. Si le domaine de la santé sera le corps, le domaine de l'âme, ce sera l'anarchie dans nos pensées, dans nos sentiments. Ensuite, il y aura évolution, épigenèse, involution. C'est curieux qu'on mette évolution en premier et pas involution. Ben, c'est parce qu'on veut débarrasser de la mentalité populaire cette conception que Darwin, Lamarck et ses prédécesseurs nous ont laissé de l'évolution, hein, selon D'accord. l'anthropologue. Alors, l'évolution, elle est sur le plan spirituel, un apport à faire au véhicule de l'homme. Hein. Ensuite, on verra la structure atomique de l'homme. Oh là, ça c'est important, que l'homme est une masse d'énergie, tout d'abord, apparemment coagulée et ralentie dans son mode vibratoire. Mais l'homme est une énormité d'énergie en vibration. On va reparler des fréquences mutationnelles à ce Ah moment-là. oui, ah oui. Non, ça, c'est l'autre science, oui. La news de Princeton précise certainement, j'ai beau la relire, je trouve toujours du nouveau dans ça, puis du précis, de plus en plus précis. Rudière, oui. On verra ensuite transition ou régénération. Oh oui. Ben, la transition, ça, c'est le point culminant de notre carrière, de notre cheminement. Hein. Alors, comme disait, on aurait dit dans ce poète, hein, pourquoi mourir, hein? Il n'y a aucune raison, hein? Il n'y a pas tanné de mourir, bande de caves. Comment s'appelle ce bonhomme-là qui lui a lancé ça au théâtre une fois? Alors, je ne me souviens pas. Mais vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves. Plusieurs. Alors, vivez. La section suivante sera intitulée Création et conditions. Ça serait précieux. Alors, on crée par la force de notre pensée. Créer, c'est mettre en mouvement une pensée qui est d'abord nébuleuse. Elle se coagule, mais en se coagulant, elle émet de l'énergie. Alors, l'énergie doit avoir un véhicule. Et nous sommes ce véhicule d'énergie. Alors, dès que l'on a compris la procédure à adopter, on crée en pensant. Dites-moi, c'est générer de l'énergie que la libérer. Alors, ça, c'est précieux. C'est très succinct. Dans quelques paragraphes, il décrit toute la procédure. Et chacun peut la comprendre. Et dès qu'ils l'ont mis en pratique une fois, qu'ils ont créé une condition visualisée, alors, ça se réalise par miracle. Non, c'est pas miracle, c'est la loi de la nature. La nature fait des miracles incessamment dans tous les domaines. Et on verra ensuite procédure de transmutation. Alors, la transmutation, ça consiste d'abord à réaliser, comme je viens de le préciser, que l'homme lui-même est un dynamo d'énergie. Et toute matière palpable, tangible ou autrement, c'est de l'énergie ralentie. Alors, on peut la transmuer d'une façon ou d'une autre. On peut commencer par quelque chose de très solide ou quelque chose de nébuleux, mais tout se transmue incessamment. Et nous sommes des transmutateurs de cette énergie. Du moment qu'on réalise qu'on est de la même nature que l'énergie qui est coagulée, on n'a qu'à accélérer son mode vibratoire. Et finalement, on terminera donc avec la troisième initiation théochristique. Bon. Alors, je commence par le préambule. Oui, il est assez succinct, oui. Oui. En cette époque d'importantes transformations sociales et de chaos économique, où les États en guerre menacent la continuité, les armes thermonucléaires mortelles, il devient évident qu'il doit exister une nouvelle échelle de valeurs pour guider la conduite humaine, un concept totalement nouveau des droits, des devoirs et de l'honneur humain. En bref, il doit exister un nouveau code de morale qui puisse s'appliquer à la fois au monde des affaires et au monde de la famille, au bureau et à la maison. Sinon, il ne reste que le choix d'une lutte catastrophique et suicidaire pour la survie, et dont l'aboutissement risque fort d'être la désintégration complète de la société telle que nous la connaissons. Et n'allons pas penser qu'un tel renversement de cette tendance est impossible ou improbable, car, et la Lémurie et l'Atlantide continuent de porter en silence le témoignage des problèmes qui peuvent surgir lorsque l'homme refuse de prêter l'oreille aux conseils inspirés et sages des chefs spirituels de la race. Excusez, nous écoutions il y a quelques jours une répétition du programme qui était voué à Nostradamus là, au sujet de ses prédictions, de ses centuries. On a vérifié des exégètes américains que 87% des prédictions du passé sont avérées vraies, n'est-ce pas? Et on a laissé en litige les autres des dernières centuries qui ont rentré à partir de 1989 jusqu'à la fin du siècle. Alors, c'est précisément ça qu'il dit. Il donne comme témoignage de la plausibilité de cette prédiction-là, les deux continents engloutis et les mêmes conditions qui prévalent à la surface de la Terre, à moins de les éradiquer, les neutraliser complètement, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Alors, je trouve ça assez bien. Puis, ça part du 15e, 14e, 15e siècle, hein, mais ça s'applique encore aujourd'hui, les mêmes circonstances. Il y a déjà eu deux guerres mondiales dans le même siècle, et en dépit des dévastations et de la futilité des luttes, puisqu'elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, la plupart des individus considérant comme probable la venue d'un conflit dont l'horreur sera sans précédent. Les préparatifs pour le carnage vont bon train dans la plupart des régions du monde. Les sensibilités humaines sont assombries et oblitérées par une incessante propagande dont le but est de créer une forme de justification dans les esprits des participants qui s'apprêtent à s'engager dans cette tragédie collective. Le monde est amené à croire qu'il existe inévitablement une sécessité de solution ou une nécessité, ça doit être une nécessité. Nécessité de solution, oui. C'est créer une Par violence. sécessité, là. Oui. Par la violence, et cette impression est encore renforcée par l'idée que personne ne peut rien y faire. Dans une œuvre ésotérique comme celle-ci, il est essentiel que l'étudiant comprenne la nature des forces fondamentales qui agissent dans le monde d'aujourd'hui. Bien que ces forces se manifestent par l'économie et la politique, ce n'est pas là leur réelle nature. Ce sont des impulsions évolutives mises en œuvre par des agences superphysiques et superhumaines n'ayant qu'incidemment des implications économiques et politiques. Là, nos chefs de la politique, des gouvernements sont téléguidés par ces avatars désincarnés qui tout de même influencent la pensée des directeurs de conscience. Ce sont des directeurs de conscience, des falsificateurs de conscience. Et il y en a tout autour de nous, hein. Alors. Les nations et les religions particulières ne sont que les instruments à travers lesquels ces forces opèrent, et elles sont les effets et non les causes de la crise. Cette vérité devra être étudiée à fond pour tout chercheur sincère de la science ésotérique, avant que ne puisse s'affirmer un développement spirituel un tant soit peu profond. La théorie du diable, selon laquelle les anges combattent les démons en bataille rangée, est absolument contraire aux faits. L'histoire révèle bien cette vérité que, partout où dans un conflit le vrai prévaut, le droit ne s'exprime pas sur l'action du vrai qui détruit le faux, mais par le faux qui se détruit de lui-même. Et pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? À cause de la nature même de l'erreur qui, par sa qualification de discorde inhérente, est le propre agent de sa destruction. C'est précis. Alors, on laisse prévaloir le mal jusqu'à ce qu'il se soit détruit lui-même. Il y a toujours le phénomène du choc en retour, du boomerang, comme on dit vulgairement. Le mal se détruit si on le laisse agir par lui-même. L'ignorer. Ainsi, il faut reconnaître qu'il n'existe pas de vérité ou d'erreur absolue dans quelque aspect que ce soit de la société humaine. Non. L'erreur d'interprétation. Différents objectifs. Ouais. La lutte idéologique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas fondamentalement une lutte entre le vrai et le faux, non plus qu'entre le bien et le mal. Il s'agirait là d'une vue simpliste du problème de base, qui ne serait qu'une excuse trop commode pour justifier le déploiement d'une violence sans limite pour soi-disant préserver paix et liberté. Voyez-vous, l'inanité de ça. L'orientation évolutive à laquelle se rattache cette conception n'est pas celle du bien et du mal, comme on l'aura pensé antérieurement, mais celle d'une méthode d'approche vers la civilisation ultime qui doit s'épanouir sur cette planète, la civilisation qui prévaudra lorsque l'humanité aura accompli collectivement la conscience du maître dans laquelle n'existe aucun conflit quel qu'il soit. Alors que vous avez atteint la maîtrise de vous-même, de vos émotions négatives, de toutes ces fausses interprétations, alors la paix domine en vous et qu'il y a des noyaux de plus en plus nombreux où cette conscience prédomine, alors ça se répartira à travers toute la planète, inévitablement. Dissoudre cette sensation de dualité où le bien est obligé de s'opposer au mal, voilà l'apprentissage monumental que doivent entreprendre tous ceux qui cherchent à vaincre leur susceptibilité aux éléments négatifs. Le mal est négatif. Sur cela, ne commettez pas d'erreur. Être conscient du mal, même si vous y êtes opposé, c'est mettre en place dans votre vie et vos affaires un conflit subtil qui ne peut que conduire à votre propre destruction. Car ça devient une hantise, alors. Et on alimente ce concept de mal, on l'alimente en y pensant, même dans le but de l'éradiquer. Y a-t-il alors de quoi être surpris que ces religions qui se sont centrées sur l'existence du péché ont par cette attitude même été les instruments de leur propre destruction, associés à sa dissolution? Ils ont créé une conscience de tort, de péché, hein? Alors ils l'ont provoqué. Et ça s'est disséminé. Ah. Il existe un moyen par lequel il est possible d'atteindre la paix parfaite dans le monde, et ce moyen, à défaut d'une expression meilleure, est celui de la sainteté. Elle débute par l'individu néophyte. Néophyte, ça veut dire le débutant. Le débutant en études ésotériques, oui. Nouvelle arrivée, quoi. Et doit le conduire vers ce lieu où il est en paix avec lui-même, avec sa famille, son voisin, son pays et avec le monde entier. Voilà le véritable objectif que cherche à atteindre l'étudiant sérieux en ésotérisme et ce à quoi il travaille. Le mental doit devenir cet état de tranquillité dans lequel toutes les facettes de la vie sont perçues sous un angle juste, les unes par rapport aux autres. Il s'agit donc d'un problème de transmutation. La transmutation des pensées mauvaises, les pensées du mal, si vous préférez, en bonnes pensées dans lesquelles sont absentes les suggestions de ces émotions primaires qui incitent les gens à faire le mal ou répandre la souffrance. Pour déraciner cette conscience du mal de façon à ce que sa puissance destructrice n'ait plus aucun pouvoir sur vous, il faut accepter un point de vue qui sera révélé dans cette leçon et les deux suivantes. Si vous suivez attentivement cette présentation, il est probable que vous acquérez une bonne maîtrise du problème, ce qui permettra de transcender l'élément destructeur de l'âge actuel. Lorsque vous vous situez au-delà du conflit et que vous êtes libéré de l'enchevêtrement idéologique qui encourage la propagation, on va dire, de la violence, vous vous êtes préparé à devenir un véritable serviteur du monde, un disciple des frères aînés. Alors, c'est l'idéal auquel on aspire tous, hein. Et chacun, à mesure de nos forces, on peut y contribuer énormément, collectivement, aussi bien qu'individuellement. Alors, ça, c'est un idéal précieux. Commençons alors par établir le fondement adéquat pour ce type de compréhension. Ce faisant, gardons à l'esprit qu'en devenant vous-même plus fort, vous fortifiez votre pays où que vous viviez, et vous renforcez votre pays en renforçant votre sens du bien. Votre réussite, votre prospérité, votre santé, et même votre propre survie ne dépendent pas des erreurs ou des mauvaises intentions des autres, mais de votre propre intégrité. La vérité ne peut jamais être détruite, mais uniquement ceux qui se battent pour sa compréhension. Bon, monsieur, la lutte pour la compréhension, c'est souvent une insistance sur la justice totale, hein, et la justesse de pensée. Et c'est une lutte pacifique, là, les deux mots peut-être autodestructifs, mais c'est véritablement ça. Insister à ce que la justice prédomine toujours, et la justesse de pensée surtout. Au cours des âges, deux plans ont surgi en tant que panacée pour actualiser la paix mondiale et la fraternité des hommes. L'un a été proposé par l'État, qui s'appuie aujourd'hui sur ce conglomérat de gouvernements appelé les Nations Unies. L'autre fut proposé par l'Église, qui est aujourd'hui à la recherche d'un sauveur, quel que soit le nom qu'on lui donne dans les grandes religions mondiales. L'État pense que l'utilisation de la science constitue pour le monde la meilleure réponse d'une solution aux problèmes fondamentaux de l'humanité. Il voit dans la science la réponse aux multiples questions touchant le bien-être de l'homme, la protection du corps, la sécurité d'un chez-soi, la liberté de l'esprit et la paix de l'âme. Avec la science, le confort matériel de l'individu est assuré. Pour l'État, cette assurance rejette toute confiance dans une autre méthode de salut. Par ailleurs, l'Église croit que la pratique de la religion constitue le seul moyen pour parvenir à ses buts et que pour être efficace, toute religion doit reconnaître un seul Dieu unique. La religion considère le développement spirituel de l'individu, sans lequel le bien-être du corps et la protection de l'environnement n'est pas de valeur significative. Au moins, dans la religion, la possibilité du vrai bonheur est offerte à tous, sans égard aux possessions ou aux avantages matériels. Et advenant que ce bonheur ne réussisse pas à se manifester dans la vie présente, elle le fera nécessairement dans une autre. Pour l'Église, cette certitude discrédite la nécessité de se fier à l'approche technologique telle qu'elle est véhiculée par l'État. Elle a concilié les deux, et vous avez un État utopique, mais un État pratique et inévitable. C'est comme si c'était l'expression des deux parties du cerveau, le néocéphale et le paléocéphale, la raison et l'intuition. Justement, là, oui. En État et en Église. Hein. Oui, mais seulement le néocéphale s'inspire du paléocéphalique aussi, hein, parce qu'il y a toute une réserve de renseignements puisés dans l'expérience de toute la race. Alors, il faut faire la fusion des deux lobes. Alors là, vous avez l'unification totale, un cerveau unique. On dit qu'un une maison d'idées sur elle-même ne peut pas réussir. Alors, surtout dans l'encéphale, il est mieux d'avoir une seule tête. La solution est dans le rassemblement, rassemblement des deux, façon de voir. Oui, oui. Par conséquent, la science et la religion constituent deux outils utilisés respectivement par l'État et l'Église dans leur quête de ces objectifs. Bien entendu, on ne peut nier que l'Église et l'État ont tous deux largement manqué leur but. Néanmoins, la faute n'est pas attribuable ni à l'État ni à l'Église en tant que réalité d'origine divine, mais plutôt à leur manifestation en tant qu'institutions humaines, faillibles. Tôt ou tard, on doit reconnaître que les conceptions de l'homme sur l'État et l'Église ont pris une tangente particulière si on considère l'inaptitude actuelle de ces deux grandes institutions pour résoudre le problème de la lutte pour le pouvoir. D'une certaine manière, à un moment donné, quelque part, l'homme doit avoir abandonné l'idée de l'ordre divin pour une culture divisée dans laquelle il commence à vivre une vie double, son corps appartenant à l'État et son âme à l'Église. Oui, qui précise ça, c'est ce qui suit. C'est exactement la situation qui prévaut d'un moment, n'est-ce pas? On est vraiment divisé. L'objet de cette prochaine série de leçons sur les aspects sociaux sera de montrer qu'au début de l'histoire humaine, l'unité de l'ordre divin était dominante dans les esprits humains. Cette unité a cédé le pas à la dualité au moment où l'ordre divin remplaça par l'ordre humain. L'État et l'Église ont divisé la réclame de l'individu en deux phases. Ça veut dire quoi, ça? On divisait la réclame de l'individu? L'adhérence de l'individu en deux directions différentes. D'accord. Perpétuant ainsi le mythe de la séparation du corps et de l'âme. Justement. Ben là, il ne doit pas avoir de ligne de démarcation de ces deux. Les deux s'interpénètrent réciproquement. C'est l'âge d'un conflit dans lequel il n'y aura pas de trêve jusqu'à la nouvelle dissolution de l'État et de l'Église. Ou réconciliation, fusion des deux. Donc, jusqu'à la nouvelle dissolution de l'État et de l'Église, en un amalgame duquel ils ont été originellement tirés. Cet amalgame constitue le noyau solide de toute véritable science religieuse. Il est la véritable essence de laquelle provient le concept chrétien du royaume de Dieu tel qu'il fut d'abord annoncé par Jésus de Galilée. Alors, c'est toujours une vérité scientifique qui a jamais été mise à la surface de la Terre. Alors, cette unicité du grand tout, aussi bien que la race humaine. Dans le cours précédent, vous avez appris que l'univers peut se diviser en deux parties, la partie que l'on appelle Dieu et celle que l'on nomme nature. La science est la révélation de la nature à la compréhension humaine, tandis que la religion est la révélation de la compréhension de Dieu. Ainsi donc, la science et la religion forment deux points de vue pour expliquer les caractéristiques de la réalité une. Et cette unique réalité symbolise le tout unifié lorsque duquel rien d'autre ne peut exister. Lors duquel rien d'autre ne peut exister. Eh bien. Alors, la synthèse est assez succincte, n'est-ce pas? C'est de réabsorber la totalité dans une seule mentalité cosmique. Lorsque la science est institutionnalisée, elle devient l'État dont l'objectif fondamental est de connaître et de maîtriser le monde physique. Lorsque la religion est institutionnalisée, elle devient l'Église dont le but est de guider l'humanité vers une connaissance de la réalité de Dieu et de ses vertus. Bien que tout cela paraisse très beau en théorie, l'application de tels moyens conduisit l'homme vers le cauchemar des enchevêtrements idéologiques, ce qui aboutit finalement à une scission irréparable à l'intérieur de la première grande civilisation de l'ancienne Lémurie. C'est ça qu'on en doit retourner. Autrement, ça va être une départition de toute l'énergie qui a été accumulée depuis l'occupation de la Terre par l'homme. Quelle fut l'orientation prise par une telle scission? L'État, né d'une philosophie séparative, agit en conformité avec sa nature propre, puis se divisa davantage elle-même en de multiples nationalités. Avec la même persuasion, l'Église suivit la même voie en se divisant en de multiples confessionnalités. Dès lors, deux modes de vie nouveaux apparurent sur la scène mondiale, la voie du nationalisme et la voie du confessionnalisme. Ça nous éclaire beaucoup tout ça. Précisément, avec toutes ces diètes que l'on a vu surgir du protestantisme, des protestateurs. Alors c'était de l'anarchie. Il serait difficile de discuter sur le problème que dans le nationalisme et le confessionnalisme se trouvent les causes fondamentales des conflits humains de notre époque. C'est le séparatisme dans toute sa laideur. La pensée évolutive dont il a déjà été question cherche à renverser cette scission et à réintroduire l'ordre divin pour solutionner le problème de cet état de séparativité. Des chefs spirituels de différents niveaux ont intuitivement senti cette tendance et y ont coopéré pour le bien ou le mal. Diverses méthodes ont été utilisées, la coercition, l'extermination et l'annexion, la fédération et l'amalgation. Pourtant, aucune de ces méthodes n'ont réussi à effacer dans le mental des hommes cette conscience de séparativité, et jusqu'à présent, elles ont toutes été un échec. Car aussi longtemps qu'il y aura séparativité sous une forme quelconque, il existera différents groupes ayant des objectifs différents, ce qui conduit finalement à la controverse et au chaos. L'homme est essentiellement une créature sociale. Il est né dans un groupe familial qui exige une association des individus. En grandissant, il découvre qu'il appartient à une association plus grande appelée société. Lorsqu'il atteint sa pleine maturité, il comprend qu'il fait partie intégrante de l'humanité et qu'il fonctionne à l'intérieur d'un véhicule collectif appelé la race. Nous avons une forte tendance à étudier la traduction historique de notre Bible chrétienne et à nous émerveiller de l'histoire de la création ou de la vie exemplaire du Maître. Mais étant donné que notre mental n'est concentré dans la bonne direction et que nous n'avons pas été très jeunes entraînés à interpréter les allégories et les symboles, nous passons à côté de l'essence même du message social. Nous fouillons les espaces interstellaires ou sidéraux, oui, hyperspatiaux. Okay, en quête d'une solution à l'origine des étoiles, et aussitôt la science et la religion s'avancent avec leur explication profonde, entre guillemets. La science affirme qu'elles ne peuvent avoir surgi de rien. La religion affirme que c'est probablement le cas. La science affirme que tout doit avoir eu un commencement. La religion affirme que ce n'est probablement pas le cas. La science ou la religion... La science ou la religion a-t-elle raison? Ou ont-elles tort? Si nous nous conformons trop à la théorie scientifique, nous devenons matérialistes, agnostiques ou même athées. Lorsque nous adhérons trop fortement à la théorie religieuse, nous devenons orthodoxes, bigots ou même fanatiques. Aucune de ces attitudes mentales n'est ni bonne ni chrétienne, et le problème de justes rapports humains demeure toujours sans solution. Alors, la réconciliation de ces états en antagonisme, c'est la solution, n'est-ce pas? Et elle s'impose malgré nous, malgré toute la race. Ouais. Référons-nous à la première affirmation de la Bible chrétienne. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela ne suggère-t-il pas un concept de dualité qui s'applique à une simple création? Et si oui, cette dualité ne suggère-t-elle pas un contrat et une division en deux parties? Dans le texte masotérique, l'affirmation initiale de la Bible indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une séparation en partie, mais en fonction. La différenciation a lieu dans le mode d'opération et non dans la variété de composition. Par exemple, les organes du corps humain sont tous constitués de la même substance atomique fondamentale, mais remplissent certaines fonctions particulières et spécifiques qui sont toutes indispensables à la santé et au bien-être de l'ensemble. De même, les différents départements d'une grosse compagnie sont tous occupés par des individus qui s'occupent d'activités semblables pour tous, et pourtant chaque département possède son mode de fonctionnement propre. Leur combinaison forme une organisation coordonnée reconnue par l'État comme une seule entité. Cette perception de dualité, ceci, cela, le mien, le tien, doit être transmuée à temps en une unité dans laquelle toute chose vivante et tout atome igné est en soi-même. Cette transmutation peut être réalisée par tous ceux qui ont la volonté de voir avec l'œil unique. Et voir avec l'œil unique signifie concevoir l'univers comme un tout indivisible. Alors, rien d'étonnant que l'on insiste tellement sur l'importance d'éveiller ce troisième œil, qui en réalité, c'est le premier œil et précédé les autres. Hein. Celui-là n'aura pas d'existence. Nos yeux du binaire n'auront pas d'existence si ce n'était pas de la source de vision. Alors, dès que ce sens-là est développé, on dit, donc je verrai, je vois maintenant véritablement. Hein. Alors qu'autrement, on voit toujours dans le binaire, dans le domaine du binaire. Deux aspects. Ouais. Ça veut dire que les premiers hommes étaient dans un état de clairvoyance avec oui, cet œil unique. Justement, oui, l'œil unique. Ils n'étaient pas sujets au jeu de la polarité. Non, on a représenté ça par la lignée des cyclopes, n'est-ce pas? Bon, alors c'était l'œil unique. Hein, ouais. Aucune partie ne peut agir comme une unité autosuffisante. Aucune partie ne peut agir ou exister indépendamment d'une autre partie. Il n'existe rien qui soit une partie et qui fonctionne sans faire référence au tout. Pour le corps physique, Le foie n'a aucune valeur sans le cœur, pas plus que le département de production n'a de valeur pour une compagnie sans un réseau de distribution. Pourquoi, alors, croire que la société humaine puisse exister en état de division en deux parties, chacune cherchant à éliminer la fonction de l'autre? C'est justement ça, ce qui arrive présentement, c'est ce qui est la base de toute la tragédie existante. Hein. Lorsque nous pensons substance et énergie, ne pensons pas à deux éléments séparés. Pensons plutôt à la substance sous deux formes, une seule essence en deux manifestations. Aussi, la substance est double, l'un manifestant la matière et l'autre l'esprit. Ou bien l'énergie est double, celle qui se manifeste en tant qu'esprit et celle qui se manifeste en tant que matière. C'est dans cette optique qu'il nous est possible d'apprécier la sagesse des érudits ésotériques qui expriment cette pensée par la première phrase de la Bible, extériorisant l'essence éternelle, entre parenthèses de l'espace, l'énergie double forma le double ciel. Je répète la phrase, extériorisant l'essence éternelle de l'espace, l'énergie double forma le double ciel. L'essence est la manifestation. Les cieux supérieurs, les eaux supérieures. Ouais. L'attitude parfaite devient désormais plus évidente. Étant donné que tout débuta par une essence unique et unifiée, à partir de laquelle se développe toute création, nous commençons à reconnaître la nécessité d'individualiser les fonctions et ont pour but d'accomplir la soi-reconnaissance. Une fois que cette reconnaissance de soi a été atteinte, l'expression particulière de l'individu est moins importante que les efforts de coopération du groupe. La partie est submergée par le tout. Envahie et dominée et guidée. Téléguidée pour employer l'expression consacrée. C'est dur pour l'ego, ça. Oui, ah oui, l'ego, il est transitoire. L'ego, lui, il est impermanent. L'ego, lui, veut se séparer. Se rebelle, le libre arbitre, la voie luciférienne. Hein. Mm-hmm. Mais tu m'as son importance au tout début, pour bien affirmer l'individualité. Il y a une nécessité dans un sens, l'ego, dans le sens de créer la personnalité. D'abord, oui. Ça. C'est la base de toute existence. Mais il ne doit pas oublier qu'il fait partie d'un tout. Non. S'il nous fallait envisager une philosophie de vie uniquement réglée sur les besoins personnels de l'individu, cela signifierait que toute vie serait soumise à l'idéologie de séparativité, alors que l'idée collective d'une fraternité interdépendante possède, sans l'ombre d'un doute, une valeur spirituelle beaucoup plus grande. À ce niveau, il est bon que nous n'indiquions au moins un des principaux objectifs de notre existence sur cette terre. Il s'agit de coordonner toutes les fonctions de la vie humaine, individuellement et collectivement, pour en faire un tout harmonieux, indivisible et indestructible. Et de la cohérence totale. Le problème consiste à transmuer les spécialisations individuelles, puisqu'elles ont été accomplies désormais par l'effort personnel, en une force raciale collective qui doit être également partagée entre tous. Nous avons atteint ce point dans l'histoire du monde où la philosophie séparative de l'individu doit se fondre dans la philosophie collectiviste de la race. L'unique solution à la crise mondiale consiste à renverser la vieille tendance à l'expression individuelle et à insister de manière concertée et sincère sur la réalisation de groupes. La socialisation est le procédé par lequel des individus sont unis en contact les uns avec les autres pour exprimer un certain bien commun. Les individus qui s'associent avec d'autres dans le seul but de poursuivre leurs propres intérêts égoïstes ne sont pas des individus à sens communautaire à proprement parler. Le sens social est l'art de se dévouer au bien-être de la société. Lorsque ce sens social est associé à la culture, il s'agit véritablement d'un art par lequel la manière du contact devient aussi importante que le désir de coopérer. Oui, alors il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux d'expression. Mais ça monte automatiquement. Alors, finalement, l'élite s'en empare, et là, l'influence est prédominante. C'est un peu comme l'histoire de l'enfant prodigue, finalement. On quitte la famille pour faire nos expériences de la matérialité. De l'égoïcité. Des questions? Je n'en ai qu'une, si ça fait que... Une grande question. Bah, oui. Encore, je m'excuse, mais... je pense qu'elle m'est adressée, puisqu'on parle du cycle de 64 800. Ah oui, oui, oui, oui. Vous êtes oui. capable que moi d'y répondre. Là, on nous demande ici, c'est quoi ce cycle des de... Écoute pas, on parle des écoute pas, hein. Non, vas-y, vas-y, non, non. Ouais. Alors, si on n'écoute pas, on ne s'écoute pas, oui. Mais ça, c'est une déformation spirituelle, parce que ce sont des kalpas. Des kalpas, oui, oui. Pas confondre avec mea culpa. Oh non, mea maxima culpa, ça c'est le maxima culpa, oui. Ah oui. Oui, des kalpas. Des kalpas, oui, oui. Dans la terminologie hindoue. Hindoue, oui, oui. Alors, ce sont des grands cycles, donc, de 64 800. Oui, 64 800, oui, oui. Oui. Alors, un petit cycle comme, par exemple, le Kali Yuga, ce que l'on vit actuellement, l'ère de Kali ou l'ère de la destruction, de la régénération. Là, 25 920 ans, ça fait le cycle de l'âge d'or. De l'âge d'or, justement. C'est la rotation solaire autour de Sotis. Ouais. Ouais. Alors, je voulais commencer par le petit pour mieux expliquer. 6480 ans, ça c'est le Yuga. Oui. Ensuite, ou l'âge de fer. Oui. Ensuite, on a l'âge de... L'âge des reins. Des reins. L'âge des reins, oui. Qui est deux fois 6480. Exactement. L'âge d'argent, qui est oui. trois fois. Oui. Et l'âge d'or, qui est quatre fois, donc 25 920 ans. Oui. Et si on additionne les quatre âges dans leur totalité, on a donc ces 64 800 ans. Exactement ça, oui, oui. Alors, c'est un grand cycle, donc, qui mesure l'évolution d'une humanité, oui. d'une race. Alors, c'est la rotation du soleil autour de 60... L'attraction de sur Terre. Hein? Ouais. Alors, un soleil qui est 360 fois plus gros que notre propre solaire. C'est le très haut dont le soleil est le fils de Christos. Hein? Ouais. Alors, c'est le père. Parlez-en un petit peu encore des cycles pendant que j'essaie de me repérer ici pour savoir... Eh bien si, ce sont des chiffres astronomiques, n'est-ce pas? Alors, cependant, tous les commentateurs sont d'accord sur la durée des cycles, hein? Ça vient, ça part des Upanishads, des Rig Veda, des Indavesta, mais ils sont tous d'accord, quelques années ou quelques siècles près. Et même Nostradamus, que j'écoutais encore dernièrement, mentionne que ces cycles-là sont reconnus depuis la plus haute antiquité. Alors, on vit dans un monde infiniment petit comparativement au grand tout, hein. Alors, des centres solaires, il y en a un très grand nombre dans notre galaxie, et la Bible, au tout début, nous parle de la cosmogenèse, la genèse du monde total, du cosmos, et de l'anthropogenèse. Mais si on tombe dans la cosmogenèse, pour prendre le grand tout, c'est des millions de systèmes solaires. Un que notre galaxie doit en contenir plusieurs milliers. Et dans la Voie lactée, ben, il y a tellement d'étoiles qu'on prend ça pour une descente de l'être. Hein. Il y a un artiste qui a photographié, qui avait illustré la Voie lactée comme une femme qui déverse son lait simplement dans l'espace. Hein. Alors, à force de similitude, on dit, c'est du lait cosmique. Hein. Et l'islam, par exemple, parle de la Voie lactée. Ils ont une parabole là, du prophète Mahomet qui explique que la Voie lactée a été créée lorsque un ange du Seigneur est descendu à toute vitesse pour arrêter le bras du sacrificateur, oui. les sacrifices. Oui, oui, oui. Et il est descendu tellement vite qu'il en a perdu des plumes, et c'est ce qui a formé la Voie lactée. Ah, c'est dans le Coran. Ah oui, oui, le Coran est très... Oui, oui. C'est très poétique aussi dans ses descriptions. Oui. Mais il y a des choses... C'est intéressant d'étudier les autres religions aussi. L'islam a une belle poésie. Une belle poésie. Puis... Le plus drôle, c'est que le prophète Mahomet, à un moment donné, dans le Coran, il dit « Le jour où l'homme ira sur la lune, je ne serai plus prophète. » Non, non, mais non, tout aurait été... dire que c'est impossible. Si vous pensez que l'homme peut arriver sur la lune, là, oubliez-moi, je ne suis plus prophète. Alors ça, il ne faut pas en parler aux Arabes, parce que leur montrer ce passage-là, ils vont vous dire, comme ils m'ont dit en Algérie, que c'était truqué, l'intervention des Américains sur la lune, que c'était une falsification. Vraiment, alors, à la télévision, ils n'ont jamais admis ça. Non, ils n'ont pas admis. N'est-ce pas, parce que sans quoi le prophète n'existerait plus. Que le bien-être, quelque part dans un comté, dans le pays, il disait, ça c'est arrangé que le gars des vues. Pourtant non. Hein. Parce que j'avais d'abord un simulacre, cette chose-là. Une similitude qu'ils avaient faite. Hein. Ils ont dit quelque chose de semblable. Hein. Donc répétez. J'ai demandé une fois à un arabe, c'était quoi le paradis d'Allah dans leur conception. Et il m'a expliqué, en fait, ce que le prophète avait expliqué, c'était que lorsque on meurt, lorsque l'individu meurt, il par ses bonnes actions, etc., il va également dans le paradis d'Allah, dans lequel il va trouver des sources d'eau vive, très claire, oui. Du miel, des dattes, ah en fait, oui. tout ce qu'ils recherchent dans le désert, ces gens-là, oui. Et puis des femmes. Mais oui, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, savez-vous combien un homme qui meurt a de femmes qui l'attendent au paradis pour l'islam? 70. Oh, yeah, yeah, on va se convertir. Exactement. Ah, je sais pas. Alors, et c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est que ces 70 femmes qui attendent dans le paradis d'Allah le décédé sont toutes les 70 vierges. Oh, yeah, yeah. C'est pas ça encore plus beau. Non, je suis encore mieux que ça. Il y a mieux que ça. Quoi de plus, quoi de plus. C'est que quand vous êtes passé de la première à la deuxième et que vous arrivez à la 70e, vous pouvez revenir à la première et la retrouver sa virginité. Oh là. Vous comprenez pourquoi le Merci Coran là. Et l'islam c'est si fort aujourd'hui? Et qu'ils peuvent mourir de fanatisme religieux, ils vont gagner leur paradis. Oh bien. C'est plus intéressant de l'autre bord qu'ici. Ah oui, mais il y a de la poésie quand même à travers tout ça, hein. La poésie sublime. Mais le danger, c'est toujours dans la manipulation des textes sacrés. Oui, oui. Les sutras sont... Sutras. Il y a bien des commentaires sur les sutras. Sont... Ouais. On épure tout ça de tous les commentaires plus ou moins oiseux qu'on a fait, hein. Mais c'est précieux. Il y a le Kama Sutra aussi. Oh, yo. Le Kama Sutra, je conviens. Ah oui. Là, le grand vulnérable, là. Ah oui, c'est... Le vénérable devient vénérable. Hein? Oui, les Kamasutras sont des techniques, oui, non pas érotique. D'ésotérisme, mais non. D'érotisme. Érotique, définitivement, ah oui, ah oui. Des hindous. Puis les poèmes hindous, c'est beaucoup de poèmes hindous. Hein? Par exemple, je pense à Omakayam. Oui, Omakayam, oui. Hein? C'est un beau poème, oui. Oui. Alors, c'est poétique aussi. Hein? Et on retrouve finalement dans toutes les grandes religions... Les grandes religions, les mêmes grands principes, la même trinité, oui. Toujours de différents oui. Noms partout. Ouais. Ah oui. Éveille-toi que le soleil dans le bleu de la nuit vient de lancer la pierre et l'astre nocturne s'enfuit. Hein. Ah oui, c'est beau ça. Ok, alors on va continuer notre affaire ici. Alors, on était arrêté ici. À ce niveau, il est bon que nous n'indiquions au moins un des principaux objectifs de notre existence sur cette terre. Il s'agit de coordonner toutes les fonctions de la vie humaine, individuellement et collectivement, pour en faire un tout harmonieux, indivisible et indestructible. Le problème consiste à transmuer les spécialisations individuelles, puisqu'elles ont été accomplies désormais par l'effort personnel, en une force raciale collective qui doit être également partagée entre tous. Nous avons atteint ce point dans l'histoire du monde où la philosophie séparative de l'individu doit se fondre dans la philosophie collectiviste de la race. L'unique solution à la crise mondiale consiste à renverser la vieille tendance à l'expression individuelle et insister de manière concertée et sincère sur la réalisation de groupes. La socialisation est le procédé par lequel des individus sont unis en contact les uns avec les autres pour exprimer un certain bien commun. Des individus qui s'associent avec d'autres dans le seul but de poursuivre leurs propres intérêts égoïstes ne sont pas des individus à sens communautaire à proprement parler. Le sens social est l'art de se dévouer au bien-être de la société. Lorsque ce sens social est associé à la culture, il s'agit véritablement d'un art par lequel la manière du contact devient aussi importante que le désir de coopérer. Par exemple, il est ordinairement mal vu qu'un membre du corps législatif émette des réflexions sur les motifs d'un autre membre du même groupe. De la même manière, ne devrait-il pas être inconvenant qu'un membre de sa société en critique un autre parce qu'il s'est trompé en quelque chose. Une partie quelconque qui décourage, renie ou élimine les fonctions d'une autre partie détruit le mécanisme entier. Ceci s'applique à la société aussi bien qu'au corps humain. La question ne consiste pas à savoir quoi faire avec la personnalité qui s'est trompée, mais quoi faire avec le groupe qui a permis que l'échec se manifeste. Justement, alors c'est d'éviter que l'anarchie s'insinue dans un certain groupe, hein. Parce que le moindre noyau devient pernicieux. Hein. Un groupe, une race, la société elle-même, tous échouent en proportion de l'échec de leurs éléments constituants. Ils ne peuvent réussir que dans la mesure de la réussite individuelle de leurs éléments constituants. La socialisation de l'humanité n'est rien d'autre que la transmutation des sentiments humains, la transmutation de la froide indifférence envers le bien-être des autres, en une amitié chaleureuse et une attention aimante pour la santé, le bonheur et la prospérité de tous. Ça, c'est la loi dans toute son intégrité. Mais pour tous, oui. Dans le monde moderne, il est devenu évident que la socialisation de l'humanité se développe selon deux lignes parallèles grâce à deux formules complémentaires. Cette formule qui motive les peuples de l'Orient et dont l'origine est perçue dans le concept chrétien de bien commun, tel qu'il fut vécu par les disciples et les apôtres du Christ durant les premiers siècles de notre ère, et qui s'énonce en ces termes simples et connus, chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins. C'est le communisme intégral, c'est une vue communautaire, mais idéalisée. Cette formule, qui guide les Occidentaux et qui prend son origine à la même source chrétienne, se trouve résumée dans cette simple affirmation. La réussite d'un seul est la réussite de tous. Ces deux formules, essentiellement, constituent le fondement de deux idéologies qui combattent dans le mental des hommes. Mais leurs principes ne sont pas contradictoires, pas plus que ne sont opposés leurs prémices ou leurs conclusions. Il est possible d'accepter simultanément les deux principes sans être inconsistant et de ce fait de considérer le christianisme opératif sous deux aspects égaux, l'un centré sur l'individu, l'autre sur le groupe. C'est intéressant, ça a toujours tendance à vouloir être ou collectif ou individualiste. Hein? Alors là, on fait une fusion de la partie avec le tout. Quel que soit le nom que l'on donne à ces idéologies, cela ne fait aucune différence. Le fait est que l'idéal de la société pour chaque individu consiste à fusionner sa fonction particulière ou son habileté spécifique dans un amalgame social dont l'objectif consiste à réaliser non un mélange de personnalités indépendantes formées d'entités autonomes, mais une fusion de personnes ayant des intérêts communs et donc le but suprême est de développer la volonté du tout. Si nous pensons en termes de tout, nous sommes complets et ne manquons de rien. Mais si nous pensons en termes de partie, nous sommes incomplets, imparfaits et manquons de tout ce que ne contient pas la partie. Alors c'est l'intégration absolue. Ouais. Intégrer, c'est être invulnérable. Là, c'est là que le terme s'applique dans toute sa précision. Ouais. Vous êtes membre d'une société, la race humaine. Vous devriez ressentir qu'il n'existe aucun aspect de cette société avec lequel vous n'êtes raccordé, et ni aucun avec lequel vous n'ayez pas d'amitié. Si vous croyez possible de vous dissocier d'un autre, et pensez que sa vie est séparée de la vôtre, vous appuyez sur des principes dangereux. Parce que lorsque vous ressentez qu'il est inutile que vous l'aidiez comme vous-même vous aimeriez être aidé, vous avez commencé de fermer les portes à votre propre avancement. Évidemment. C'est un peu ce qui se passe aux Indes avec la conception du karma. Là, voyez-vous, hein. Oui, n'est-ce pas? Alors ça, j'étais nassif dès le début. On voit quelqu'un qui souffre, c'est son karma. C'est son karma. On ne peut rien faire. Aucune pitié. Hein. Une tournure d'esprit double est une attitude mentale qui admet deux normes de conduite. Celle qui s'applique à l'individu et celle qui s'applique au groupe. C'est une perception double qui consiste à avoir deux forces au lieu d'une seule puissance, deux pôles au lieu d'un seul aimant. Il est admis qu'il existe deux facettes dans toute controverse, bien qu'il n'y ait qu'une seule controverse à laquelle se rapportent ces facettes, à savoir qu'une controverse contient deux aspects et qu'une entente non. Une personne qui regarde un aimant et ne voit que deux pôles opposés, comme celui qui débattrait nu les deux aspects d'un argument sans comprendre le sujet discuté. C'est ça. Alors, se voit la totalité. Les deux pôles de manifestation, mais ça forme une partie d'un tout. Nous sommes dans le binaire, alors il faut considérer la chose comme une unité sur deux aspects. Ça veut dire que si on prend parti, si on fait de la discrimination ou on prend parti soit pour un pôle positif ou un pôle négatif, de toute façon, on est à côté de la traque. On n'a pas de vision objective. Aucune, c'est impossible. Parce que par eux-mêmes, même si les états de semblables sont souhaitant que l'un devienne semblable à l'autre, ça sera neutralisé la vertu d'un aimant. Hein. deux semblables se repoussent aussi bien que deux. Alors, il faut qu'il y ait opposition. Donc, la compréhension est dans la perception globale. Globale, binaire. Oui. Oui. En globant les deux aspects de la polarité. Justement. Ouais. Sans quoi, même ce qui est appelé vérité, il peut y avoir un peu de mensonge dedans. Et oui, mensonge, on peut dire ça, c'est très vrai, c'est pas encore vrai. Oui. Simplement. Il n'y a pas de qualité dans la vérité, ni de quantité. C'est vrai, mais si on perçoit les deux, vérité et mensonge, à ce moment-là, on voit la réalité, objectivement. Oui, justement, oui. Un homme à l'esprit double est inconstant dans toutes ses voies. Dans le monde actuel, il y a deux forces en jeu selon le point de vue de l'homme ordinaire. L'une est l'individualisme et l'autre le collectivisme. La situation bien connue dans laquelle cette partie du monde appelle l'autre communiste et l'autre partie appelle le reste capitaliste modifie les considérations fondamentales sur l'évolution de l'humanité. L'interaction des deux forces, l'individu sur le groupe et le groupe sur l'individu, est intentionnelle et motivée. Sans cette interaction des pensées et des philosophies, les deux hémisphères ne peuvent devenir un monde indivisible. Et sans un monde indivisible, il ne peut exister de paix ou de liberté pour l'humanité. Donc, l'intégration des deux opposés, une totalisation. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas imprimé plus le capitalisme que le communisme? Les deux ont eu leur tort, d'accord. Mais seulement, ils ont eu leur bien aussi, hein. Alors, il faut fusionner les deux pour sortir de la quintessence qui en résulte. Ouais. Bien que les forces individualistes et collectivistes puissent sembler se mouvoir dans des directions opposées, elles renferment au contraire une puissance unique, se déplaçant dans une seule direction. Il s'agit de la direction de la spirale évolutive qui pointe toujours et s'élève constamment vers une perfection sans nom et inconnue. Et le point le plus pertinent de cette discussion est que la source de ces philosophies individualistes et collectivistes se retrouve dans la doctrine chrétienne telle que rapportée dans la Bible. C'est pour cette raison-là que l'on prend notre texte de base comme l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Parce que c'est l'Écriture la plus scientifique qui a jamais été mise à portée de la Terre, hein? Alors, interprété correctement, sur le plan philosophique, c'est la totalité. Alors, direz-vous, pourquoi y a-t-il tant de rivalité entre les gouvernements qui dirigent l'Est et l'Ouest si on considère qu'ils devraient se mettre d'accord sur la source commune de leurs cultures respectives? Parce que ces cultures reposent, dans la pratique, non sur des concepts divins, mais sur des mythes d'athées. C'est l'athlétisme du communisme et l'athlétisme du capitalisme. Oui, deux adversaires, deux antagonistes. Est-ce que c'est voulu, ça? Parce que là, on parlait d'athéisme, puis là, on arrive avec l'athlétisme du communisme. On peut l'acheter. Oui. C'est un jeu de mots, mais c'est acceptable. Je pense que c'est l'athéisme du communisme et l'athlétisme du capitalisme. Oui, exactement, oui. Mais on se comprend l'athlétisme, on peut faire... Ouais. Oui, ça s'appelait... Donc, ces deux athéismes respectifs, là, qui éveillent les pires émotions chez les humains, la haine, la convoitise, la peur et la vengeance. Cette attitude conduit le monde vers le précipice du désastre universel. Il va de soi que ni Dieu et ses lois divines n'étaient pas si férocement repoussés par l'action des communistes et des capitalistes sous leurs formes actuelles. Il n'y aurait pas cette crise épouvantable en cette heure fatidique. Les peuples des blocs de l'Est et de l'Ouest sont tous deux reliés par leur mauvaise compréhension de leur véritable destinée. Cela ne fait pas grand bien lorsqu'une partie critique l'autre pour ses problèmes et ses imperfections, qui ne sont que les résultats de leur création personnelle. C'est la même chose dans un couple. Ah oui, mais oui, c'est toujours ça. Maintenant, une note au sujet de ça, c'est j'entends que c'est triste, mais athéiste, parce que je veux corriger ça. Mon intention n'était pas de faire un jeu de mots. Ah ben. Mais ça s'appelait tous deux antagonistes. Alors, ces difficultés et ces défaillances ne pourront être résolues que par les individus eux-mêmes, à partir du moment où ils identifieront l'origine réelle de leur mode de vie respectif à une source unique et commune, un divin commencement. Donc, c'est très important, l'identification. Oh oui, oui, l'aide. Puis c'est un peu ça le problème qu'on voit dans les couples, c'est parce qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de but commun, finalement. Non, il n'y a pas eu de fusion. Ouais. Alors, il visait l'unicité... Chacun des deux partenaires oui. a raison. Une âme unique dans deux corps, dans deux mains. On parlait comme une volition dans les deux mains qui vise à la même préhension. Alors qu'on devrait plutôt penser en fonction de l'autre, du bien-être de l'autre. Oui, bien-être de l'autre, puis là, c'est le bien-être commun. Ouais. Alors, les deux mains ne sont pas en antagonisme, quoi qu'elles sont positivement différentes. Hein. Ouais. Le communisme et le capitalisme véritable tirent leurs origines des racines profondes de la doctrine et de la pratique du christianisme. Oui. Mais... Marx est un bon chrétien. C'est un bon chrétien, Marx. Mm-hmm. Mais enfin, il y a des vieilles. Et Jésus était chrétien. Un bon communiste. Un bon communiste, il n'y a pas d'erreur. Alors, l'un est devenu chrétien, l'autre est resté chrétien. On se permet de la cabale aussi. Oui, oui, oui. Mais avant que le monde puisse jamais connaître la paix et la liberté pour laquelle elle combat désespérément, il faut que soit reconnue la loi divine et universelle comme seul fondement d'un bien-être humain universel. Jusqu'à ce que cette reconnaissance soit effective, tous ceux qui... Mon verre s'est déplacé probablement. On va mettre un mot à la place de ce trou-là. Et ben, jusqu'à ce que cette reconnaissance soit effective, tous ceux qui vivent la loi et son auteur partagent la responsabilité générale, ainsi la responsabilité particulière de la terreur qui afflige le monde moderne. Il faut donc considérer que le communisme et le capitalisme sont des symboles, mal interprétés, bien sûr, par le XXe siècle, mais néanmoins des symboles de quelque chose qui se tient au-delà de toute origine humaine. Alors, il faut aller au-delà de la manifestation terrestre, simplement, et politique. C'est vraiment comme un phénomène d'entropie, là. Précisément. Hein? Mais oui. Dans la doctrine, là, c'est clair et net. Ceux qui l'enseignent, les instructeurs. Il n'y a pas d'équivoque, bien sûr. Pas d'équivoque, comme avec Socrate. Et puis là, il arrive un Aristote qui, met tout à terre, essaie de récupérer ça pour son ego et nous met dans la dualité, principe de séparativité. Alors, c'est une chute. C'est là que la chute entre en jeu. Chute dans la matière. En binaire, quoi. C'est ça. En binaire. Oui. Bien qu'aujourd'hui l'homme ne considère ces symboles que comme des idéologies athées, ne reposant pas ou peu sur des principes divins, il viendra un temps, dans un avenir pas trop éloigné, où l'aspect athéiste sera transmué en mode de vie véritablement christique. Bon, là j'ai mis christique, mais c'est écrit schistique. Schistique. Oh non, ça fait trop. Il n'y a pas question de faire un schisme. Non. Christique et édifiant. Ah ben. Il y en avait quelques-uns que je peux ignorer, mais ça, c'est... Il y en a des bonnes, par exemple. Oui. Des bonnes. Oui. Puis il y a des atrocités. Véritablement schistique. Il peut être douloureux pour l'homme de se dépouiller de toutes les erreurs qui se sont insérées dans les habitudes de ces deux grands systèmes sociaux, mais il s'en dépouillera et il doit s'en dépouiller. Aucun ne peut détruire l'autre parce que ces deux éléments sont indispensables au résultat final, tel qu'il a été conçu par les frères aînés, les anges et les archanges de la hiérarchie. Ces derniers collaboreront à l'évolution de l'humanité à partir d'autres planètes de notre système solaire. Alors, ce royaume des cieux, le système solaire, notre galaxie, ce petit noyau de la galaxie, on leur a donné des noms spécifiques, une nomenclature qui est indispensable, mais ce sont des êtres tout comme nous qui sont simplement plus évolués que nous avons précédés. Et il faut les acter comme réels, comme des êtres véritables. C'est un ange, un archange, c'est un chéraphin, un chérubin, mais c'est un être qui atteint la hiérarchie. Ce serait souhaitable de pouvoir redéfinir ces formes évolutives, là aussi, ces termes, dans des termes... On parle du maître, on parle comme en différents degrés, le postulant, le compagnon, l'adepte, mais c'est les mêmes nomenclatures, simplement. Ça nous induit en erreur si on dit que c'est un ange, c'est un archange, une sorte d'individu, je sais pas. C'est simplement des appuis évolués. Des consciences. Oui. Qui ont plus de responsabilités. Mais ce sont des forces également. Mais si on les personnalise, là, on s'en induit en erreur. Ne laissez pas ce nouveau point de vue vous troubler. Il y y en a quelques-unes, des bonnes coquilles. C'est parce qu'il y a des trous, oui. Ah, il y a des trous ou des pages, et puis je perds des morceaux de mots dans les trous. Rien à faire. Mais c'est ce qui fait un bon gruyère, c'est les trous, en fait. Ouais. Bon, je pense que... J'ai ici, alors c'est comme un puzzle, alors je vais vous donner l'élément que j'ai, puis vous allez remplir le trou. J'ai émergence de l'individu. Ah, émergence, oui. Mais j'ai un U et un B juste avant. Submergence. Submergence. OK. Bon. Ah oui, bon. Tout de suite. J'ai réfléchi. La submergence de l'individu dont la fonction est perdue dans la société est aussi négative que n'importe quelle dépréciation de la race dont la coordination générale est perdue pour l'individu. Le collectivisme ne pourra consommer pleinement son but dans la collaboration entière et volontaire de tout individu membre qui voit le bienfait d'une véritable fraternité unique. Le compagnonnage humain. Ah là, oui. Ben, c'est le point équidistant, hein, à partir du premier postulat. Ouais. Alors, le compagnonnage a été atteint, là, il y a l'harmonie totale. Puis, on peut atteindre la maîtrise par la suite. Il faut forcément passer par l'harmonisation avec tous les autres éléments de la race. Hein. Compagnonnage de toutes les espèces, toutes les races, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était quoi un compagnon dans le temps? Celui qui partage son pain, compagno. Hein? Celui qui partage le pain avec un autre. Oui. Alors, manger le pain à la même miche. Alors, ce sont des compagnons, ils mangent le même pain. Compagnon, oui. C'est l'étymologie ancienne. Là. Par ailleurs, l'individualisme ne peut s'exprimer pleinement sans que la race entière reconnaisse les réalisations de l'individu. Mm-hmm. Alors, il faut donner justice à l'individu. Il y a son mérite personnel, il y a contribué quelque chose d'individuel. Mais seulement, sans le merger avec la totalité, on peut lui donner son crédit, mais pas le mettre sur un piédestal, puis l'adulée pour une petite participation au détriment de toute la race. Alors, il y a son mérite, mais seulement, il y a le mérite supplémentaire de l'avoir mis au bienfait de la totalité. Ouais. Tel est le test suprême auquel sont soumis les individus de l'époque moderne. Envisager la civilisation comme une organisation mondiale unique, dont les différentes nations sont les organes fonctionnels d'un corps planétaire unifié. Si les savants masotériques... Expliquez-moi un peu masotérique. La version masotérique, la première version de la Bible. Ouais. La version cananéenne. Ouais. On parle de la Bible masotérique, c'est la Bible cananéenne, proprement dit, la première qui est sortie après Moïse. Esdras qui est la masotérique. Ouais. Si les savants masotériques se trouvaient avec nous aujourd'hui, ils auraient pu nous donner cette interprétation de la Genèse. À partir de l'essence éternelle de la civilisation... Le principe double forma le double monde. Alors, je répète, à partir de l'essence éternelle, entre parenthèses, ici on spécifie de la civilisation, le principe double forma le double monde. Oui. Et quel est ce principe? C'est le principe de l'individualisme remplissant les objectifs du collectivisme. Oui. C'est le principe de l'individu qui oriente sa vie dans une entreprise grandiose, collective et coopérative, sans laquelle son amour pour l'homme ne peut connaître d'expression adéquate ou dynamique. Alors chacun a la mesure de sa capacité et de son désir de se transcender. Alors c'est se fusionner avec la totalité pour magnifier notre ego. Si on insiste tant sur le collectivisme ici, est-ce que ce ne serait pas dans le sens que ce n'est seulement que la collectivité qui peut transcender le temps, traverser la durée? Et justement, oui, parce que l'homme n'est pas sujet à la temporalité, comme entité, comme individu, oui. C'est comme des fractions de temps, des périodes. Hein? Ouais. Comme les électrons, les unités de lumière, les photons, quoi, font partie d'un flot d'énergie et l'électricité proprement dite. Ouais. Les individus de ce monde double sont comme des atomes qui compose certains organes planétaires appelés nations, ayant chacune une fonction spécifique et bien définie à remplir. Chacun de ces organes a sa tâche, et cette tâche consiste à distinguer pense. Un petit trou. À distiller l'essence de ses expériences raciales pour en extraire un sublimé qui assurera la continuation d'une civilisation mondiale et bipolaire. En bref, une culture globale dans laquelle tout être humain, quelle que soit sa couleur ou sa croyance, aura sa place d'honneur et de responsabilité. Dans le discours de Saint Paul énoncé sur la colline de Mars à Athènes, il est dit que Dieu est l'auteur du monde et de toutes choses établies ici-bas. Et c'est pour cela qu'il a déterminé le temps et le lien de leur naissance, ainsi que l'étendue de leur juridiction. Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui, c'est précieux. J'ai dit que s'adresse à des gens qui ont été plus pires que tout ce qui est connu dans la Mésopotamie. Vous avez même érigé un hôtel au Dieu inconnu, hein? J'ai l'honneur d'être représentant de ce Dieu. Alors, là, c'est la première définition. Totalité a été faite, hein, sujet. Du monothéisme. Il n'est pas loin de se connaître, car en lui, nous vivons, nous existons et vont l'être, hein. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Alors là, il a donné son credo véritable. S'il est possible que l'étudiant accepte le postulat chrétien selon lequel nous sommes de la race de Dieu, dans les actes 17-29, il est alors évident que du point de vue de la déité, il n'existe qu'un ordre de vie unique, le royaume de Dieu, de façon à permettre à l'humanité de percevoir la vérité contenue dans la coopération et sa sagesse contenue dans le service. Des petits groupes d'individus ont été assemblés dans le but de leur permettre de s'entraider, le principe étant qu'aucun groupe ne peut servir le tout, entre parenthèses Dieu, sans servir ses parties, sans servir le tout. En fait, nous devons apprendre que servir un seul signifie servir tous, et que ne pas servir un tel revient à ne servir aucun. C'est bien précis, ça. Alors, il n'y a pas de distinction dans le service. Si nous étions capables de voir la création telle que Dieu la voit, nous aurions devant nous une énorme agrégation d'atomes à différents niveaux de densité, comme on l'a vu dans la leçon précédente. Nous remarquerions que ces atomes étaient des parties infinitésimales d'essence cosmique, sans importance chacun par eux-mêmes. Mais lorsqu'ils sont combinés à d'autres atomes semblables, ils constituent un instrument de service de diverses qualités. C'est un peu comme les neurones du cerveau. Précisément. Et chacun de ces atomes, chacune de ces neurones a une fonction spécifique, tout comme les cellules d'ailleurs, ont une vie individuelle aussi bien collective. Alors quand ils sont harmonisés, ils travaillent en commun. C'est ce qui fait l'intégration de l'homme. Et en atteignant cet état d'intégration totale, l'homme n'a plus jamais de questions à se poser. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, ben je le suis, hein? Parce qu'il n'y a pas parti maintenant. Nous comprendrions que le but de la création est de coordonner ou de rassembler ces atomes d'une manière telle que chacun puisse arriver à reconnaître, par la conscience individuelle, qu'il était inséparable du tout et qu'il était véritablement ce tout à cause de son identité parfaite avec lui. Justement. Alors, c'est le but ultime de la réalisation de soi, reconnaître son identité avec le grand tout. Et c'est se magnifier automatiquement. C'est la grande libération. Ça, c'est la quête absolue du soi. Ce n'est pas ni toi ni moi, c'est le soi. Oui, un atome acquiert la conscience de l'unité dans le tout et du tout dans l'unité, et qui voudrait atteindre l'état divin. Si nous étions capables de voir le royaume de Dieu tel que le maître le voit du niveau où il se trouve, nous verrions une grande foule d'individus ayant atteint divers degrés d'évolution. Il apparaîtrait clairement qu'aucun de ces individus limités n'ont de véritable importance par eux-mêmes, mais lorsqu'ils se regroupent entre eux, ils font preuve d'une impressionnante capacité pour accomplir de grandes choses. Il deviendrait également évident que le but de leur existence consiste à coordonner leurs opérations pour les fondre en un tout fonctionnel, de façon à ce qu'ils puissent voir dans leurs fonctions personnelles le fonctionnement entier du mécanisme complet. Bon, Alors, c'est une belle formulation de la, toute la philosophie de l'altruisme intégral. Hein? On est donc plus vous servez, des unités de conscience oui, mis ensemble. Plus le nombre de ceux que vous servez vous, se multiplie, plus vous agrandissez proportionnellement au service que vous rendez. Alors ça, c'est le choc en retour. Un choc augmente, plus la conscience s'agrandit également. S'agrandit, oui. Ça devient planétaire, conscience planétaire, au lieu d'être provinciale. Oui. En vérité, l'humanité englobe un monde unique. Ce monde unique a été créé par un Dieu unique et il est orienté vers un objectif unique, la perfection de l'homme et de sa civilisation. Le monde présente l'apparence de la division simplement parce qu'on a appris aux gens à croire au mythe du « nous » et du « eux ». Justement, le soi et le non-soi, alors qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les deux, l'un est la réflexion de l'autre. Et selon notre capacité de vision, plus la réflexion est distante. Il est dit dans Luc ici, est-il censé de croire que le monde se trouve à l'intérieur de nous, que nous n'en sommes pas une partie, mais la totalité? Éliminez de votre mental la notion de séparativité et remplacez-la par l'idée de totalité. Ne vous laissez pas inquiéter par ce concept de totalité simplement parce qu'il a été déformé par l'État. Totalité est un autre nom pour Dieu. Et un jour, lorsque l'État aura réintégré l'ordre divin duquel il provient, mais qu'il a abandonné, Dieu dans l'homme possédera l'autorité suprême. C'est la doctrine ésotérique de la foi chrétienne, et elle explique la raison fondamentale pour laquelle l'État, par lui-même, ne peut pas accomplir le changement qui le libérerait de son autorité mondaine. C'est mon ancien qu'on appelle l'entopan, un le tout, hein. C'est ça que la totalité de ce qui existe, c'est un autre terme pour Dieu. Hein? Les anciens, on a ça partout, on en voit encore dans des monuments. Entopan, un, le tout. Hein? La totalité de ce qui existe. Pouvez-vous croire que le foie puisse penser aussi bien que le cerveau? Pouvez-vous concevoir que les fonctions de coordination du corps humain concentrent leur opération dans le cœur? Si chaque fonction du corps humain est une spécialisation des fonctions complètes qui maintiennent la vie dans l'ensemble du mécanisme, et il est difficile d'en douter, alors il deviendra tout aussi évident que la fonction de chaque individu dans une société organisée consiste à individualiser la fonction globale qui assure la continuité de la civilisation. De ce principe, il découle que les peuples des blocs de l'Est et de l'Ouest, le cœur et la tête de la société mondiale, respectivement, symbolise des fonctions qui sont complémentaires et interdépendantes. La caractéristique dominante chez l'un constitue l'élément minimal chez l'autre. Alors, c'est l'équilibre des deux parties, la filiation des contraires. Alors, le cœur d'esprit doit se fusionner pour faire un tout compréhensif. C'est encore une fois comme dans le couple. Oui. La tête et le cœur. Oui. Le rouge et le noir, le Stendhal. Stendhal, oui. Eh bien, ouais. Alors, attends, c'est une belle synthèse, ça. Je pense que ça termine par une phrase assez lapidaire. Oui, oui. J'essaie de trouver la suite ici, là. OK. C'est pourquoi toute nation qui cherche à détruire la fonction établie d'une autre nation détruit chez elle cet élément auquel elle s'oppose. Ne devient-il pas de plus en plus évident à la lumière de cet exposé qu'il n'existe pas de force appelée mal en tant que puissance extérieure à Dieu? Il n'existe qu'une seule puissance et c'est la puissance de Dieu. Dans l'esprit de Dieu, il ne peut exister de conscience du mal et parce qu'il n'y a pas de conscience du mal, il n'existe pas de puissance par laquelle il peut s'exprimer. Non, c'est une nullité, une illusion qui n'a aucune essence, aucune substance. C'est la propagation, la création de l'homme. Le mal que vous voyez autour de vous n'est seulement que le reflet de votre propre incompréhension de la vérité, du bien et du bon. Il s'agit simplement d'une création de votre propre mental, et à cause de cette création, vous lui accordez le pouvoir de vous dominer. C'est plus fort, ça? Oui. J'aime répéter cette phrase, ce n'est pas de moi, mais que le mal, en réalité, ce n'est que le bien qui violente son chemin à travers les obstacles à sa réalisation. On veut l'imposer, hein? Imposer le bien, même si ça fait mal à celui auquel on veut l'inculquer. Alors, c'est une méthode indirecte. De gré ou de force. Oui. Le pouvoir que possède le mal est le pouvoir que vous lui avez donné. Il n'a pas d'autre source. Si Dieu est tout dans tout, le grand tout, quel serait le but de Dieu que de s'opposer à lui-même? Puisque Dieu est tout, et la Bible confirme simplement ce postulat, toute opposition qu'il est concevable d'imaginer devrait s'être autogénérée, ce qui est une idée inconcevable et irrationnelle à la lumière de la mécanique céleste. Cependant, il est concevable que des individus non conscients de Dieu dans les affaires humaines combattent entre eux sans s'en rendre compte, sans rendre compte de ce qu'il faut. En conscientisant le mal, ils accorderaient ainsi du pouvoir à une erreur qu'ils ont eux-mêmes engendrée. Étant donné que l'erreur agit conformément à sa nature propre, à savoir la destruction, la puissance ainsi libérée et la destruction est réciproque. Elle réagit sur son créateur avec la même force qu'elle avait au moment où elle servait à combattre l'hypothétique ennemi. C'est la loi du choc en retour, telle qu'on l'a décrit par la loi de Newton. Vous n'avez pas d'ennemis, hormis ceux que vous avez vous-même créés dans votre pensée et vos actes. Ces soi-disant ennemis n'ont aucune puissance sur vous, à part celle que vous leur avez donnée. Pour qu'il existe une opposition, il faut qu'il y ait une autorisation de l'autre partie. L'opposition doit être reconnue. Pour éviter de reconnaître l'opposition, vous devez être amical. Tournez l'autre joue pour humilier l'adversaire. Oui. C'est une meilleure défense. Retenez ceci. Tout est aussi longtemps que vous reconnaissez un ennemi, vous en avez un. Dès que vous aimez vos ennemis comme vous aimez vos amis, vous avez saisi le principe de la protection individuelle, telle qu'elle est révélée par le message chrétien. Tant que votre ennemi n'est pas devenu votre ami, vous ne l'avez pas vaincu. En tant que vous ne l'avez pas vaincu, vous n'êtes pas passé maître de vous-même. C'est une belle phrase, ça. Vaincre l'ennemi, ça se vainque soi-même. Le convertir en un ennemi, ça c'est la victoire, par excellence. Pour vous, l'attitude idéale consiste à considérer chaque individu dans le monde comme vous-même. Si vous vous aimez, vous l'aimerez aussi. Faire le bien, c'est recevoir le bien. Si les trois prochaines leçons qui se rapportent à l'aspect social remplissent leur fonction, vous connaîtrez la réponse à la crise mondiale. Également, vous découvrirez la solution à votre problème personnel de façon à éviter les effets destructeurs d'une constante controverse. Le but de cette série sur l'aspect social est de vous conduire à la porte du nouvel ordre des âges en vous enseignant les fondements de l'unité tels qu'ils s'appliquent à l'État et à l'Église, à la science et à la religion, à l'individualisme et au collectivisme, au corps et à l'âme, sujet de cette leçon. Telle est l'orchestration cosmique de l'humanité. Chaque individu réalisant son potentiel maximum en tant que membre de la nouvelle humanité théochristique. Chaque individu, en tant qu'instrument de Dieu, connaîtra la fusion parfaite de sa propre mélodie dans l'harmonie divine. Un peu comme dans un orchestre. Précisément. Sous la direction du grand manipulateur. Cette symphonie même d'expérience humaine s'élèvera jusqu'au trône de Dieu, véritable cantique des cantiques. Rien dans le ciel supérieur ou dans le ciel inférieur ne surpassera la beauté inspirante de ce poème musical qui réfléchit la joie complète des cœurs à l'unisson. Le murmure des accords engendrera le puissant crescendo dont le sommet sera la reconnaissance du Christ comme le grand instructeur. Le monde se tient sur le seuil d'une expérience merveilleuse. Vous êtes sur le point de vivre cette expérience. Bientôt, vous entendrez une symphonie d'amour tirant son inspiration d'une beauté si transcendante que vous serez pour toujours animé d'un élan divin que vous conserverez jusqu'à ce que la symphonie soit achevée. Une mélodie nouvelle va se jouer dans les cœurs des êtres humains, celle de l'abandon désintéressé à Dieu et à sa bonté. Et dans cet abandon divin, une réalisation bien plus grande que toutes les conquêtes de toutes les armées qui ont jamais combattu pour quelque gloire humaine. Tous les hommes rejoindront un jour le psalmiste dans ce refrain grandiose. Toutes les nations le serviront. Toutes les nations le béniront. Tous les peuples de la terre viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu opères des merveilles, toi seul es Dieu. Tiré des psaumes. Alors, c'est une synthèse assez succincte. Elle est merveilleuse. Y méditer, c'est s'y identifier, l'absorber et la vivre surtout, la vivre. Hein? Alors, vivre ça, c'est magnifier notre être, notre conscience. Ouais. On a terminé ce préambule, là. La semaine prochaine, ça va donc être ce qui est intitulé « Corps, âme, esprit ». Oui, bon, là, on fait l'analyse des trois éléments de notre constitution. Hein. Et alors, je suis à trois. Ah oui, ils ont mis ici la loi de transmutation. Okay. Oui, ben ça rentre. Ouais. Ça suit automatiquement. OK. Alors, je crois qu'on a un petit... Une question. OK, bienvenue. Croyez-vous que les désincarnés retournés à la poussière pourront se réincarner dans le prochain cycle de 64 800 ans? Ils ne devraient pas disparaître à tout jamais si nous acceptons que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme pour retrouver, en finale, son unicité dans la multiplicité. Ben, voici ce qui est retourné à la poussière dans cette première partie de cette question. Ce n'est pas ça qui va se réincarner. C'est l'être qui s'est revêtu de poussière pour une période de temps qui reprendra une autre poussière cosmique, cette poussière cellulaire. Mais ce ne sera pas la poussière du corps précédent qui se réincarnera. Non. Ce sera l'ego qui revêtira un autre véhicule plus approprié à son évolution. Alors la réincarnation, ce n'est pas la reprise du même corps. C'est endosser un corps différent, investi de propriétés différentes. Parce que la période d'épuration du dévacant, la période entre les deux incarnations, aura purifié l'ego et la matière qu'il réincarnera ne sera pas la même matière du tout. Pas du tout la même matière. Comme le poète le dit, le corps né de la poudre est rendu et l'âme retourne au ciel dont elle est descendue, mais quand elle retombe, ce n'est pas la même poussière qu'elle reprend. Elle sera absorbée par la nature. Il y a une question ici, on vous demande, quel est à votre avis le délai usuel de réincarnation physique? Ça peut varier de 40 heures à 40 ans, selon l'accumulation de matière physique que le médiateur plastique a accumulé. Ça peut se faire en dedans de 40 heures. 40 heures. On a vu ça aux Indes dernièrement. 40 heures d'épuration pour renaître presque dans la même période de temps. Il faut à ce moment-là que l'être meure avec une certaine conscience. Ah oui, il faut être conscient de ce qui se passe, oui. C'est une science de mourir, c'est une science de vivre aussi, mais c'est une science de mourir. Est-ce qu'on peut dire que le Christ, par exemple, est mort d'une mort blanche, d'une mort différente? D'une mort blanche, le terme est beau, il est acceptable, oui. Oui, la mort blanche. Il savait qu'il était capable de reconstituer son corps. Son temple, je le reconstituerai dans 3 jours. Je ne parle de son temple, du corps comme de son temple. Hein. Je peux le détruire, le reconstituer dans 3 jours. C'est à ça qu'il fait allusion, n'est-ce pas? Ouais. Alors, 3 jours, ça se fait ça. Ah oui. Oh oui. Bien des textes hindous mentionnent ça. La reconstitution de l'ego dans une période de temps presque imperceptible. Oui. Oui, alors ce qui se réincarne, ce n'est pas la même sphère, ce n'est pas la même poussière. Elle retourne à terre, elle est absorbée par les règnes végétales, les exhalaisons. Mais l'ego véritable demeure, puis ça agrégue les autres entités vitales pour former un autre corps. La semaine prochaine, là, donc, dans ce chapitre intitulé « Corps, âme, esprit », là... On traite pas précisément de ça, oui. C'est ça qu'on va traiter. Cette question-là était bien suggérée parce qu'elle s'impose à... OK. Est-ce que vous pouvez me donner juste un petit mot? Il nous reste une minute. Oui. Alors, voici. Alors, un peu plus tard, nous parlerons de ce sujet qui a été bien débattu, de la réincarnation. Dans quelles conditions la réincarnation se poursuit-elle après la période de repos cosmique, et qui est nécessaire pour mettre l'ordre, pour mettre la table, rendre l'ardoise vierge. Nous. Alors, il y a des conditions qui s'imposent. Mais on peut surveiller les péripéties de ce voyage extra-mortem, hein, post-mortem. Alors, on peut dire, je suis maintenant prêt à subir l'influence d'un couple qui m'attire. Hein. Deux champs magnétiques qui sont en fusion vont attirer une âme en vie d'incarnation. Alors, là, si les conditions sont favorables, puis que l'environnement se prête bien au cheminement de l'individu, l'âme s'incarnera dans ce champ magnétique qui aura été produit par le participant. Alors, ça, ces conditions-là qu'on étudiera dans le traité qui parle de réincarnation, du processus et du cheminement de la réincarnation. Parce que c'est fait scientifiquement. Pas comme le cheminement de la conception aller jusqu'à la gestation. Alors. OK. On vous remercie beaucoup, Alexandre Lachance. C'est moi à te remercier, mon bon. C'est moi à te remercier. Merci. Et je vous remercie, vous aussi, de votre attention que vous m'accordez et de la courtoisie que vous manifestez à tout moment. On se verra. C'est une voie prochaine. Oui, on a le temps encore de prendre un petit café, là, jusqu'à 11 heures. Très bien. Okay. Merci beaucoup de votre attention aussi. Merci. Merci.